Frédéric, campé derrière elle, avec son lorgnon dans l'œil, ne jugeait pas toutes les épaules irréprochables. Il songeait à la maréchale, ce qui refoulait ses tentations ou l'en consolait. Il regardait cependant Madame d'Ambreuse et il la trouvait charmante, malgré sa bouche un peu longue et ses narines trop ouvertes. Mais sa grâce était particulière. Les boucles de sa chevelure avaient comme une langueur passionnée, et son front, couleur d'agate, semblait contenir beaucoup de choses et dénotait un maître. Elle avait mis près d'elle la nièce de son mari, jeune personne assez laide. De temps à autre, elle se dérangeait pour recevoir celle qui entrait, et le murmure des voix féminines, augmentant, faisait comme un caquetage d'oiseaux. Il était question des ambassadeurs tunisiens et de leurs costumes. Une dame avait assisté à la dernière réception de l'Académie. Une autre parla du Don Juan de Molière, représenté nouvellement aux Français. Mais, désignant sa nièce d'un coup d'œil, Madame d'Ambreuse posa un doigt contre sa bouche et un sourire qui lui échappa démentait cette austérité. Tout à coup, Martinan apparut en face, sous l'autre porte. Elle se leva. Il lui offrit son bras. Frédéric, pour le voir continuer ses galanteries, traversa les tables de jeu et les rejoignit dans le grand salon. Madame d'Ambreuse quitta aussitôt son cavalier et l'entretint familièrement. Elle comprenait qu'il ne joua pas, ne dansa pas. Dans la jeunesse, on est triste. Puis, enveloppant le bal d'un seul regard. D'ailleurs, tout cela n'est pas drôle, pour certaines natures du moins. Et elle s'arrêtait, devant la rangée des fauteuils, distribuant çà et là des mots aimables, tandis que des vieux, qui avaient des binocles à deux branches, venaient lui faire la cour. Elle présenta Frédéric à quelques-uns. Monsieur d'Ambreuse le toucha au coude légèrement et l'emmena dehors sur la terrasse. Il avait vu le ministre. La chose n'était pas facile. Avant d'être présenté comme auditeur au Conseil d'État, on devait subir un examen. Frédéric, pris d'une confiance inexplicable, répondit qu'il en savait les matières. Le financier n'en était pas surpris, d'après tous les éloges que faisait de lui Monsieur Roque.